arc-en-ciel, un amour de la femme. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout. 13h est passé de 30 minutes. Voici donc l'émission de retour. Voilà donc, j'espère que vous avez passé une bonne matinée. Et ainsi, j'espère qu'on va passer un bon début d'après-midi en ma compagnie. Voilà donc, juste un instant, on a pu entendre un medley avec plusieurs chansons des années 80. Voilà donc, je vous laisse avec tout simplement Julie Petri avec Ève, lève-toi. Et puis juste après elle, on écoutera Le jour où on reviendra avec Johnny. Oh, femme unique, péché désir, un serpent de Bible a brisé son empire.

l'heure du match, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides. Je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai quoi me remplir un dernier verre. Claque fait le verre en tombant sur le lino. Je coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool ça grise et ça commence. Pour les moutons sur le paquet. Et à ce moment-là, vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait, fait, fait. Précipice et tout le monde. Précipice, on s'en fout. Du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5, francs maros. Crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon ondine sous ses comptines. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse sa porte et je viens m'asseoir. 3, 4, patibulaire. Tape le carton dans les water. Tout seul au bar, dans un coin noir. Une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne. 10,50, je dis ça me tente. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Que de pression dans les bars. Légende, c'est manie. C'est dégâtomanie. 7h du mat, l'hôtel. Je paye, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les vanillons qui filent sur le tendon. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau, lisse mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon cas. Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me dit c'est l'heure, t'en dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment par le fils s'est passé? Non, vraiment. Chacun fait, fait, fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait, fait, ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est même qu'un jour et pas de taxi. C'est Jacques Gustave, le petit rond-rond. Les éminents, ces petits bateaux. Lâche que je me sens pas belle, les dignités sont plus en plus. Mon studio, j'aspirateur, la vie des gens fait un peu peur. Un pipi a des ennuis, je pars passer des tracas dans les logis, les maladies. Mes préfets, oui, ça mouille. 8h du match, j'ai des frissons, claque des dents et j'y monte le sang. Sauf sur le lit de mes draps bleus passés, c'est pas semi, sommier cassé. Perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le centre. Kleenex et de bouteilles vides. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. T'as dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur les nouilles. J'ai toute la mer en massant les missions. Voici donc, eh bien, du soleil dans la nuit avec Gérard. Tout simplement blanc. Et juste après, Michel Sardou, le chanteur de jazz. Elle me dit dans un cri après l'heure.

J'aurais voulu te dire, et juste après, Céline Dion, un petit coucou tout simplement à Véro, et le titre s'appelle Véronique, tout simplement Virginie. Thank you.

arc-en-ciel, un amour de la femme. Voilà donc, juste après tout simplement Goldman, voici donc Karma avec Lambada. Et puis juste après, ce sera Charles Dilouis avec Sorelens. Just stop it, young rhythm, will put you on your feet. Whether you're young, whether you're old and free, gather around, you chant it night and day. All along the beach, you party in the moonlight. You slow the sounds to make the feeling of the tune right. Or jump, I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line. Dance, soca dance, soca dance. Roll boy. Come on, everybody. Let's have a good time. You over there. Dance, soca dance, soca dance. Do you feel it? mano arriba, cintura sola, da media vuelta, lanza el futuro, prepárese ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza como duro. ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja tierra, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude el duro. No te quite ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude el duro. Salió una locura, morena, por ella a mi lado, que bailica parado, quiero un peliche futuro. Salió una locura, morena, por ella a mi lado, que bailica parado. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, es pa' quebrar, cuduro, vamos a danzar, cuduro. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, se llamó. Donc, eh bien, juste après, tout simplement, Danza Kuduro, voici donc le groupe collectif Métissé. Baila, baila conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. arc-en-ciel, un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Trying to smile. donc, je vous laisse avec Michel Jonas, avec la boîte de jazz. Prêt pour le bop. Hey bebop. Un peu nage, je descends dans la boîte de jazz, et sans oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés, c'est pas la tuée, sûrement pas la moindre de désir. L'orchestre s'installe du professionnel, c'est moi qui s'interpelle. Oh, par cœur, je connais par cœur. Hey, fils, le nom est Davis. Aussi, je connais aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Captain Benson, Daniel Melanton, Scott Hamilton, Duke Ellington. Ok. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance à les tempies. Arc-en-ciel. Voici donc en duo, voici donc tout simplement Chico et Roberta avec French French et puis juste après Elton John, Nikita. Anything

la chambre où ne reste rien de toi que ton parfum. Je découvre en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. C'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que chaque soir tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête dans ma défaite. Je t'invente et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière. Voici donc qui vient Père Perret avec Mélangez-vous et puis juste après Hervé Villard, Champagne. Femme pleine de grâce, quand l'étranger alentour de ta maison passe. Noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qu'il préfère. Mélangez-vous, quand toutes les peaux finiront par se ressembler. Mélangez-vous, mélangez-vous, un jour les hommes sauront même plus sur qui taper. Femme pleine de grâce, ouvrez vos bras aux hommes qu'on dit d'une autre race. Femme, changez la donne, quand tu auras plus qu'une seule couleur, ce sera la bonne. Mélangez-vous, mélangez-vous, comme dans un mot d'amour, les lettres de l'alphabet. Mélangez-vous, mélangez-vous, une couleur qui envoie plus personne au gilet. Femme pleine de grâce, à qui la liberté n'accorde aucune place. Va vers celui qui t'aime, même si sur toi les tiens ont jeté l'anathème. Mélangez-vous, mélangez-vous, peut-être qu'un jour il y aura partout la même couleur. Mélangez-vous, on ne saura plus qui sont les nôtres, qui sont les leurs. Femme, sois soyez féconde, et par des cent mille que vos tailles soient rondes. Vos fils seront tous frères, contre personne ils ne partiront plus en guerre. Sera délesté de sa tenace pour le chagrin. Femme pleine de grâce, quand l'étranger à l'entour de ta maison passe, noir, blanc, juif ou berbère, laisse ton cœur désigner celui qui préfère. De prix.

vous laisse avec un autre morceau, tout simplement, de Dirty Dancing. Et juste après, Frédéric François, à tous ceux qu'on aime. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long now.

country. Je vous laisse encore avec un autre morceau de country, disons deux autres. Steak well done, the taters fried, football games on Monday night. It's just who I am, a meat and potato man. I like my coffee black, old TV shows, my women hot and my beer ice cold. It's just who I am, a meat and potato man. IRS are phony stars. I'm a Haggard fan, a meat and potato man. Oh yeah. I like my fishing holes, lightning bugs, flattened scrugs, and my woman's love. It's just who I am, a meat and potato man. I like my Wrangler jeans, cowboy boots, cornbread and beans, and country roots. It's just who I am, a meat and potato man. Hypocrites, folks with poodles dressed like kids. I'm a hound dog fan, a meat and potato man. Yeah, that's just what I am, a meat and potato man. Makes a fiery ring, bound by warm desire. I fell into a ring of fire. Arc-en-ciel, un amour de FM. Voici donc les émissions bien tout simplement à partir de tout simplement avec Christophe, avec l'émission Eric Shore. Je vous ai retrouvé à partir de 19h jusqu'à 21h. Et puis donc demain, nous serons mercredi à partir de 7h jusqu'à 9h avec Francky. Juste après, entre 9h jusqu'à midi, Victor. Et puis l'après-midi, entre 14h jusqu'à 16h, Gloria. Et puis entre tout simplement 18h jusqu'à 19h30 avec Violette Traditionnelle. Et puis après, eh bien, vous allez retrouver tout simplement Christina entre 19h30 jusqu'à 21h. Et bien donc pour le jeudi matin, toujours avec Francky entre 7h jusqu'à 9h. Juste après, entre 9h midi avec Armer Giraud. Et puis Chantal, que vous allez retrouver à partir de 15h jusqu'à 17h avec Groove Tropical. Et puis ainsi, Sylvia, pour l'émission Pause Médicale entre 18h et 20h. Et juste après, vous allez retrouver Julien avec Noche Famanka jusqu'à 22h. Donc entre 20h jusqu'à 22h. Tout simplement, je vous laisse avec tout simplement Danny Briand. Et mais juste avant Danny Briand, voici donc Master Kadji. Un petit coucou à tout simplement à Véro, à comprendre vite fait. Yerusalema, ikaya lami, hilo ndoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikaya lami, hilo ndoloze, uhambe nami, zungangishilana. Uyami, aikolana, buso wami, aukolana, kilo noloze, zuhambe nami. Uyami, aikolana, buso wami, aukolana, kilo noloze. fait des ravages, j'en décourage. Je l'ai carré, tu l'as vérisé. Je veux pas me discours, pour te faire la cour. Mais je peux plus bouger quand tu es un bébé. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, crépite sur les pavés gris de la cour. Mais nos rêves sont sans limite. La jolie dame qui s'abrite porte à ses pendants d'oreilles du soleil. Son parfum me joue des tours. Sous des gouttières qui scintillent, elle serre dans son cœur de fille le monde avec tout ce qui tourne autour. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, autour. Hey, hey, hey. Dans un mouvement de bottine, le du velours, elle part comme tu l'imagines, et l'eau de la flaque assassine, elle l'évite d'un délicieux détour. C'était une pluie de passage, le vent tiède est venu, dommage, sécher les pavés de la cour. Éparpillés sur le parcours. Hey, hey, hey, le parcours. Hey, hey, la verse a terminé sa route quelque part dans les alentours. Accroché aux dernières gouttes, ces mots que personne n'écoute disent que les beaux moments sont trop courts. Hey, hey, hey, hey. Trop courts. Hey, hey, hey, hey. Les beaux moments sont trop courts. Hey, hey, hey, hey.

donc après France Gall, voici donc François Feldman avec Je te retrouverai, et puis après c'est Montagnier Gilbert. Ton nom sur les nuits de janvier. Moi j'ai les blues. Voici donc le groupe Kolonzang. Après, je vous emmène du côté de Avignon avec David Asseloff, tout simplement. To me, she's fresh, fresh, exciting. que te quiero. Si no te tengo yo, mira. Voilà, donc on va terminer l'émission avec Marina Rocco, tout simplement. Donc, ben, j'espère que vous avez passé un bon après-midi en ma compagnie. On va se retrouver prochainement. Voilà donc, eh ben, je vous dis bon sang à tous et à toutes. On se retrouve la prochaine. Voilà donc, bon sang à tous et à toutes. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Les passagers en destination du voyage gustatif aux saveurs du Portugal sont attendus aux portes du magasin Hyper-U à Boulle. Semaine portugaise du 13 au 18 juin. Votre magasin Hyper-U à Boulle met le cap vers le Portugal et vous réserve des offres exceptionnelles, à savoir le vin gâton blanc ou rosé, la bouteille de 75 centilitres à 2,99€. Le jambon Limiane entier à 59,95€, la pièce d'environ 6 kg. Le chorizo extra 720 grammes à 7,99€. La morue calibre 10-12 à 9,99€ le kilo. Le pack de 24 bières Superbock 25 centilitres à 16,95€. Et plein d'autres offres promotionnelles. Le vendredi 17 juin, votre magasin Hyper-U vous réserve une belle soirée pour vivre au rythme du Portugal. De 19 à 22 heures, diverses animations avec la présence de Radio Arc-en-Ciel pour une émission en direct du magasin. Le chanteur Fernando Martins et le groupe folklorique et les tambours Soleil du Portugal. Alors venez nombreux pour partager un moment convivial, pour profiter des offres de votre magasin et gagner un week-end pour deux personnes à Quinta da Pacheco au Portugal. Et plein d'autres surprises. Les saveurs et les couleurs du Portugal sont dans votre magasin Hyper-U de Boulle du lundi 13 au samedi 18 juin. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans.